nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Tout le monde connaît les confessions de Saint-Augustin ou celles de Rousseau. Celles de Oussama ibn Munkid sont plus confidentielles, mais valent la peine d'être découvertes. Ce texte, dicté par ce prince syrien à la fin de sa vie, au XIIe siècle, ne relève certes pas tout à fait de ce que l'on appellerait aujourd'hui une autobiographie. N'empêche, il s'y risquait à l'emploi du jeu, J-E, un jeu témoin de son temps, celui des premières et deuxièmes croisades, dans un Proche-Orient alors divisé entre principautés musulmanes et rivalité entre arabes, turcs et francs. En 1983, Jean Montalbetti, guidé par les éclairages d'André Miquel, qui venait alors de retraduire ce texte, nous faisait découvrir cet inconnu de l'histoire dans une série de 3 émissions. Après avoir raconté ses années de formation et son parcours de guerrier, il se penchait dans le dernier volet, diffusé pour la première fois le 6 janvier 1984, sur la spécificité de ce texte, sa richesse et son originalité littéraire. Unknown people in history. Disconosciuti nella storia. La storia dos desconocidos. Unbekannte der Geschichte. L'uomo non si rarezzaro. The unknowns of history. Les inconnus de l'histoire. Il est né dans une petite principauté de Syrie en 1095, au moment où en Occident était prêchée la première croisade. Prince héritier, il a reçu une formation de chasseur, de guerrier et de lettré. Il a été un habile politicien dans le sillage de Zangi à Mossoul, de Noureddin à Damas, de Saladin au Caire. Écrivain, historien et poète, on lui doit un témoignage exceptionnel sur le Proche-Orient du XIIe siècle, sur les croisades vues du côté arabe et aussi une création littéraire originale, celle de l'autobiographie dans la littérature arabe classique. Après le chasseur et le guerrier, c'est l'enquête sur l'écrivain Oussama ibn Munkid que nous vous proposons aujourd'hui avec pour médiateur André Miquel, professeur au Collège de France, et pour consultant les historiens Mohamed Rekaya de Paris 3 et François Michaud de Paris 1, avec les voix de François Darbon et de Guy Jacquet dans une réalisation de Christine Bernard-Sugy. خانني ثقتان من القصر والسماء حين شرفت المدى فإذا نهدت حسيت إنا حملا جابلا وأمشي إنا À travers le récit de sa vie, on a l'impression que l'activité d'Oussama a été avant tout, je dirais, une activité physique, c'est-à-dire une activité de chasseur et une activité de guerrier. Il y a certainement, si on en juge par la très bonne formation de lettré qu'il a reçue, il y avait eu également une part dans cette vie pour l'étude et pour l'écriture. Quelle a été justement cette part du lettré dans la vie d'Oussama ? Elle a été très importante, et notamment sur le deuxième versant de sa vie, c'est-à-dire lorsqu'il se réfugie notamment chez les Artouklides de Haute Mésopotamie, où visiblement il est désœuvré, il n'a plus rien à faire. On a, autant qu'on puisse le savoir, le sentiment que c'est vraiment la deuxième partie de sa vie qui a été consacrée à l'écriture. Il a composé une douzaine d'ouvrages. Le malheur, c'est que tout est perdu. Tout est perdu, sauf notre fameux Kitab el-Yartibar. Mais nous avons les titres de ces ouvrages, soit que lui-même les cite au hasard de son livre, soit que nous les ayons par des encyclopédies rédigées au Moyen-Âge et où Sama occupe une très bonne place. De cette production, en tout cas, je retiendrai, si vous me le permettez, surtout trois choses. D'abord, il a écrit un livre de poèmes. Et la poésie, la composition d'un diwan, d'un divan, comme on dit à cette époque, sanctionne l'écrivain au suprême degré. Alors c'est d'abord un poète pour vous? Il y a des poèmes d'ailleurs dans cette autobiographie. Il y a des poèmes qu'il a composés à l'occasion de son autobiographie, qui visiblement n'appartiennent pas à ce fameux diwan. En tout cas, nous pouvons dire, en nous référant au code de cette époque, que c'est un authentique écrivain, puisqu'il a composé des poèmes. Il y a un deuxième volet de son érudition et de son activité d'écrivain, qui est la rhétorique. Il a composé aussi un Kitab el-Badir, c'est-à-dire un livre du beau style. Le titre est célèbre, il est repris par d'autres écrivains de la littérature arabe classique. Donc, c'est un homme qui s'occupe non seulement de faire des poèmes, mais aussi de faire la critique de la poésie. Peut-être de la prose, je n'en sais rien, mais en général, Kitab el-Badir, c'est plutôt de la poésie qu'il s'agit. Là encore, malheureusement, livre perdu. Et enfin, c'est aussi un auteur de ce qu'à l'époque l'on appelle l'adab, c'est-à-dire une sorte de culture générale qui est en même temps un signe de savoir-vivre, parce que celui qui possède la culture générale est aussi un honnête homme, au sens où nous l'entendions dans notre vieille langue. Et il a composé là-dessus deux livres qui me paraissent mériter de devoir être signalés. Il a composé un livre des femmes, qui devait être sans doute un recueil d'anecdotes ou de traditions sur des femmes célèbres. Et quand nous savons qu'il compose tout de même une partie de son livre, là, du Kitab el-Yartibar, qui compose une partie de son livre sur les femmes, en l'occurrence les femmes du clan, mais aussi d'autres, des prisonnières, des femmes franques, il y a là, je crois, quelque chose d'intéressant à noter. Et il a composé aussi ce qu'il appelle un livre du bâton, c'est-à-dire des bâtons célèbres, depuis la verge de Moïse jusqu'à son propre bâton à lui. Et nous savons là qu'il s'agissait de son bâton à lui parce qu'il cite lui-même son livre du bâton lorsqu'il évoque ce bâton du vieil Oussama sur lequel il est obligé de s'appuyer, ce bâton qui est une antithèse parfaite avec l'épée que l'on manie et que l'on soutient et avec laquelle on frappe, et au contraire le bâton qui vous soutient et qui vous empêche de tomber à terre. Autant le Kitab el-Yartibar est une œuvre très originale à l'intérieur de la littérature arabe, autant ces livres-là, de par leur titre et de par leur contenu, autant que nous le connaissions, sont tout à fait classiques et sanctionnent, comme je le disais, Oussama comme un écrivain, un vrai, puisque c'est un poète. J'ai rêvé pour ma vie cette longue carrière. Je suis au bout. Que souhaiter d'autre que la mort? Une année chassant l'autre, il ne me reste guère de vigueur pour répondre aux attaques du sort. Le terme est proche. En moi, les forces se défont. Je suis trahi. Mes yeux, mes oreilles s'en vont. Suis-je debout? Je crois porter une montagne. Quand je marche, mes pas sont d'un homme entravé. Je me traîne et ma main, une vieille compagne de guerre, qui portait et la lance et l'épée, tient un bâton. La nuit, والمرء ينقش في الحياة وإنما بلغ كمل وتم عدا كما بدأ. Cet homme a voulu, à l'extrême fin de sa vie, écrire le livre de sa vie. Bien, mais comment l'écrire ? Nous sommes alors dans un milieu, à une époque, et dans une littérature, dans une culture plus généralement, qui estime, avant d'autres, que le moi est haïssable. Car lorsque un écrivain de la littérature arabe classique dit « je », il ne le dit pas au sens où nous l'entendons « nous ». Est-ce que c'est pour des raisons religieuses que ce « je » est banni, ou que ce « moi » plus exactement est banni ? Pas tellement, je crois, pour des raisons plus culturelles au sens plus général du terme. En réalité, il faut que nous sachions bien que nous avons affaire là à une civilisation qui est fondée sur une communauté. En l'occurrence, une communauté musulmane exprimée en arabe. Quand l'écrivain intervient et dit « je », ça n'est pas pour dire « je vais vous raconter qui je suis », mais je vais vous dire pourquoi je suis autorisé à parler à la première personne. Je parle à la première personne parce que je suis un témoin. L'exemple le plus classique est la phrase suivante « j'ai entendu dire à un tel » qui lui-même m'a dit « j'ai entendu dire à un tel » et ainsi de suite jusqu'au témoin suprême qui peut être le prophète de l'islam. Autrement dit, le « je » s'institue comme témoin, comme garant d'une communauté, comme garant d'une connaissance qui livre à la communauté. Autrement dit, sa personnalité est tout d'abord une fonction, et non pas l'affirmation d'une personnalité. Les autres autobiographies que nous pouvons posséder, je pense à une autre célèbre, celle de saint Augustin. Saint Augustin, en fait, parle ô combien de lui, mais en fait comme témoin. Voyez combien j'ai été misérable avant de connaître la vérité, et voyez par antithèse avec ma misère ce qu'est la grandeur de la religion. Autrement dit, les choses ont longtemps fonctionné de la sorte, mais il est vrai, avec un caractère plus marqué du côté de l'islam, je veux dire, caractère plus marqué quant à l'intervention du jeu uniquement comme garant. Est-ce que ça veut dire, André Michel, que ce texte que nous avons, qui date donc de la fin du XIIe siècle, est dans la littérature arabe classique la première autobiographie, dans la mesure où Usama, effectivement, emploie le « je » comme témoin, mais emploie le « je » également pour nous parler de sa personne? Oui. Alors, les choses, en fait, se sont réalisées au fur et à mesure, d'après ce que je crois comprendre, au fur et à mesure de la dictée du livre. Au départ, Oussama ne fait pas autre chose que, par exemple, Ibn Khaldoun, autre grand personnage des lettres arabes, l'historien. Au début du XVe siècle, début beaucoup 15e. Plus tard. Oui, c'est ça. Alors, lui, Ibn Khaldoun, donne une autobiographie, mais une autobiographie de sa formation scientifique, qui est là encore une façon de montrer à sa communauté que la connaissance qu'il a pu recevoir, lui, Ibn Khaldoun, est une vraie connaissance parce qu'il l'a reçue de gens qui, avant lui, étaient des garants de la même connaissance. Alors au départ, pour Oussama, les choses sont un peu les mêmes. Oussama veut dicter l'histoire de sa vie dans un but très précis, à savoir, je vais vous montrer, à travers les événements que j'ai subis, à travers les événements dont j'ai été le témoin, je vais vous montrer, vous prouver, une règle fondamentale de la destinée des hommes, à savoir que cette destinée leur échappe, qu'ils ne sont jamais maîtres du jeu. Sur un thème privilégié, entre autres, tels jeunes hommes, promis à des destinées fulgurantes et très longues, ont été fauchés à la fleur de l'âge, non seulement dans le cours d'une bataille, mais par des accidents stupides de la vie. Moi, au contraire, Oussama, qui ai reçu un nombre incalculable de blessures, qui ai été en butte à des dangers de tous ordres, je suis arrivé à plus de 90 ans et je vais mourir dans mon lit, et je vais subir le pire des maux, pire que la mort, c'est-à-dire la vieillesse. Bien. Alors cela, c'est donc l'illustration générale d'une morale qu'Oussama se propose. L'enseignement que lui-même transmet dans son livre est reçu par un scribe, selon toute évidence, mais le manuscrit, l'unique, le manuscrit de l'Escurial, porte à la fin ce que les Arabes de cette époque appellent une ijaza, c'est-à-dire une permission, c'est le même mot qui aujourd'hui signifie licence, licence donc de transmettre cet enseignement. Et ce qu'il y a de remarquable en l'occurrence, c'est que cette ijaza porte le nom du propre fils de Murhaf, c'est-à-dire le petit-fils d'Oussama, qui donc atteste que le manuscrit qui est là, sous ses yeux, est bien celui qui a été dicté par son grand-père, ainsi que le lui a dit son propre père à lui, Mourhaf, fils d'Oussama. Donc, pédagogiquement, c'est parfait, c'est tout à fait dans les normes de cette époque. Personne ne pourra penser que la mort vient plus vite si l'on s'expose au danger, ni plus lentement si on multiplie les précautions. Le fait que je vive encore aujourd'hui est la plus claire des leçons. Voyez à combien de terreurs j'ai fait face. Je me suis lancé dans des entreprises effrayantes et périlleuses. J'ai affronté les cavaliers, tué des lions, reçu des coups d'épée, été touché par les lances, blessé par les flèches ou les arbalètes. Et avec cela, si je regarde mon destin, ce fut la plus forte des forteresses, puisque je suis arrivé à 90 ans révolus, considérant aujourd'hui la santé et une longue vie du même œil que le prophète, Dieu lui donne bénédiction et salut, lorsqu'il disait, en fait de maladie, la santé me suffit. Car si j'ai réchappé de tant de situations effroyables, ce qui a suivi m'a été plus difficile que la mort ou le combat. Périr à la tête de l'armée m'eût moins coûté que les misères de l'existence. J'ai vécu trop longtemps, et les jours me reprennent ce qui me restait de plaisir. Dans le domaine de la poésie, là où il nous touche particulièrement, c'est dans ces poèmes qui sont consacrés à la vieillesse, c'est-à-dire à une expérience de fin de vie extraordinairement douloureuse qu'il évoque justement dans cette poésie. Quelle est l'originalité et la qualité du poète qui s'exprime là, dans le texte arabe ? Alors, je trouve personnellement que ces poèmes où il parle de la vieillesse très très beaux, ils sont par ailleurs très classiques de ton et de thème. J'ai comme cela en tête maintenant un vers d'un autre grand poète, Abul Ala el-Ma'arri, qui est une des gloires de la littérature arabe, où il le dit, je me permets de le citer d'abord en arabe, وَعَلِّلُوا بِالْأَمَالِ قَلْبًا مُضَلَّلًا كَأَنِّي لَمَعَشْعُرْ بِأَنِّي حَائِنُ et qui veut dire « Je berce d'illusions un cœur égaré comme si je ne savais pas que je suis en train de partir. » Or, ce thème du départ, il est dans les poèmes d'Oussama. Autant en prose on est pudique, autant la poésie, Dieu merci, offre d'autres libertés. Et là, le jeu peut intervenir à plein. Il n'est d'ailleurs pas inintéressant de noter que, justement, pour parler de lui dans sa dernière zone du livre dont nous parlions à l'instant, Oussama est allé à la poésie pour véritablement parler de son expérience presque intime, en l'occurrence. Et là, il est passé par la poésie, il n'est pas passé par la prose. تناستني الآجل حتى كأنني ضريئة سفر بالفلات حسير ولما تدع مني الثمان نامنة كأني إذا رمت القيام كثير أؤدي صلاتي قاعدا وسجودها علي إذا رمت السجود عسير وقد انذرتني هذه الحالة إنني دانت رحلة مني وحان مسير Il faut dire d'abord que l'intervention de la poésie dans un texte le signe comme caractère littéraire. Et même dans des textes qui a priori n'avaient pas la réputation littéraire, je veux dire les Mille et Une Nuits. S'il y a de la poésie dans les Mille et Une Nuits, c'est parce qu'à un moment ou à un autre, le scribe ou le conteur a voulu que ce texte soit considéré comme un véritable texte littéraire, d'où l'intervention de la poésie. Bien. Dans le texte arabe, dans le manuscrit arabe, comment est-ce que le poème est placé par rapport au reste du texte? Parce que, évidemment, j'ai lu ce texte dans votre traduction et votre édition en français, et là, le poème est tout à fait détaché du reste du texte, il n'est pas sur la même justification. Oui. Comment, dans le manuscrit arabe, se présente-t-il? Mais nous dirions qu'il est écrit dans le même corps, pour employer un vocabulaire moderne, mais qu'il s'isole immédiatement au milieu du texte. Et là encore, par la typographie, la poésie signe une place d'exception, car les vers sont calibrés à la même longueur, coupés au milieu de l'hémistiche, ce qui fait qu'un poème en milieu de page, c'est immédiatement un diptyque, deux rectangles juxtaposés de part et d'autre de la coupure à l'hémistiche. Alors, il y a une autre intervention de la poésie, à l'articulation de la poésie et de la prose, qui est la prose rythmée et rimée. De temps en temps, et on peut penser que Oussama était un assez bon manipulateur de langage, pour penser que dans la dictée, il a pu, de ci de là, faire apparaître de la prose rimée, ce qui est très facile en arabe, où les schèmes morphologiques répondent à certaines cadences, et par conséquent, disons que la scansion à l'intérieur même de la prose peut venir tout naturellement à la bouche d'un lettré. Et enfin, il y aurait une troisième poésie, je dirais la poésie qui échappe à celui qui la produit. Je veux dire la poésie inscrite dans le texte de prose lui-même, et qui est ce que nous appelons poésie sans savoir toujours pourquoi nous l'appelons poésie, mais sans ignorer pour autant qu'en effet nous sommes là dans une zone poétique du texte. Le meilleur exemple, ce serait, d'après moi, dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse, les parties de chasse. Et notamment, et je verrai justement une preuve de la poésie dans le fait que ce thème est récurrent, dans le fait qu'il a séduit et ému Oussama, dans le thème du retour. Le thème du retour au château fort, le soir, lorsque la nuit tombe ou lorsque la nuit est déjà tombée. Il y a comme cela une phrase qui chante dans ma mémoire, lorsque Oussama dit... Et nous rentrions le soir dans la nuit et nous entendions de grands oiseaux voler au loin sur les rivières près de Cheysar. Il y a là une authentique poésie qui est faite de très grandes économies de langage et que je rapproche d'un autre grand écrivain, je veux dire Cervantes dans le Don Quichotte, lorsque Cervantes évoque les nuits du Toboso. Il y a là, en deux ou trois lignes, une évocation absolument admirable, fondée sur une économie d'écriture qui ne l'est pas moins, et qui, je crois, appartiennent à de l'authentique poésie. Ce texte nous émeut souvent plus par l'économie de son écriture que par ce que nous attendrions aujourd'hui avec un lyrisme, nous qui avons fait l'épreuve du romantisme, etc. Mais que se passe-t-il? Il se passe cette chose tout à fait étrange et formidable même en l'occurrence. Qu'Oussama, au moment où il dicte, parle de mort. tous les gens dont il parle sont morts avant lui. C'est un de ses drames, et il le dit. Mais au moment où il évoque ces gens sont vivants. Lorsqu'il nous dit, par exemple, il y avait à la citadelle de Cheysar un jeune kurde qui s'appelait Intedera, et entre parenthèses, si j'ose dire, que Dieu ait pitié de lui, qui fit ceci, qui fit cela, et qui connut telle ou telle aventure, la formule insérée, que Dieu ait pitié de lui, s'adressant à un vivant qui est mort au moment où Oussama parle de lui, revient finalement à nous présenter une fantastique collection de morts en acte, ou de morts vivants. Et cette présence de la mort, qui revient lancinante à travers ces formules, est l'une des choses les plus bouleversantes de ce livre. Parce que finalement, elle s'intègre à plein à la morale du livre, à savoir que nous sommes déjà morts. Au moment où nous agissons, nous sommes marqués au front du signe de la mort. Et il y a une adéquation parfaite entre la morale du livre, l'écriture et ces tableaux en acte qu'on nous présente. Ça n'est pas un livre désespéré, mais il faudrait peu de choses pour qu'il le devint. Puisqu'en effet, la morale de la chose, c'est que tout va à la mort. Et pourtant, un homme du XIIe siècle était constamment confronté à cette présence de la mort. Je crois que Oussama a donné la mort lui-même très tôt, à l'âge de 10 ans. Oui, oui. Et évidemment, il y avait des morts accidentelles, probablement dans la chasse, et en tout cas dans les combats. Il ne cesse de nous décrire des morts violentes dans des conditions abominables de carnage. Absolument. En fait, la mort porte plusieurs visages. Alors, est-ce que cette mort du combat est devenue une sorte de mort rituelle, sacrificielle et totalement intégrée à la mentalité d'un homme de cette époque? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une sorte de dimension tragique de la mort qu'il a gardée et qui lui apparaît peut-être assez tardivement dans sa vie, parce qu'il est détaché de ses combats aussi? Il y a sans aucun doute une dimension tragique de la mort, celle dont je viens de parler, mais ça c'est peut-être nous qui la voyons comme cela. Je dirais que la mort est tragique pour Oussama dans la mesure où elle vient à un moment où on ne l'attend pas. C'est là qu'elle est tragique. Le guerrier qui meurt au combat, sa mort est noble, sainte, tout ce que nous voulons, elle n'est pas tragique parce qu'elle est dans l'ordre des choses. Quand on va à la bataille, il y a de grandes chances pour que l'on y reste. Là où la mort est tragique, c'est lorsque, revenant de la bataille, on se fait piquer par un scorpion et que l'on meurt. Alors là, la mort est tragique parce qu'elle est dérisoire, dirais-je. Elle est dérisoire et inattendue. Et c'est cela qui la rend, nous dirions, insupportable. Mais elle n'a pas à être insupportable, puisqu'elle était dictée par Dieu, il faut la prendre comme cela. Mais le tragique de la mort pour Oussama, c'est plutôt là que je le verrai. À savoir la mort qui frappe quelqu'un d'une façon détournée et à un moment au moment où on ne l'attendait pas. Pendant le siège de Cheysar par les Roms, nous étions assis dans la salle d'entrée de la forteresse, équipés et l'épée en main, lorsqu'un vieil homme arriva en courant et nous dit « Musulmans, vos femmes, les Roms sont entrés sur nos pas. » Saisissant nos épées, nous sortîmes et trouvâmes les ennemis qui venaient de monter par une brèche que les Mangonaux avaient faite à la muraille. En les frappant de nos épées, nous les repoussâmes au dehors, sortîmes sur leurs traces, et quand ils furent ainsi ramenés jusqu'à leurs compagnons, nous fîmes demi-tour. Après quoi, nous nous séparâmes. Il ne restait plus avec moi que ce vieil homme qui avait donné l'alarme. Il s'immobilisa et fit face au mur pour uriner. Comme je me détournais, j'entendis quelque chose tomber à grand fracas. Je regardais ici et là. L'homme avait été frappée par une pierre de Mangonaux. Elle lui avait brisé la tête en la plaquant contre le mur, et la cervelle coulait sur la pierre. Je relevai sa dépouille, puis nous récitâmes sur elle les prières, et nous l'ensevelîmes à ce même endroit. Que Dieu prenne ce vieil homme en pitié. Sur les qualités d'Oussama comme écrivain, on dispose donc ce texte qui appartient à un genre tout à fait particulier, mais quelle est l'originalité de sa langue d'écriture, ou en tout cas la langue qu'il dicte à travers ce texte? Ce serait sa variété entre la langue du grand écrivain, poème, prose rimée, et d'autre part la langue du conteur, merveilleusement simple. Et sur ce dernier point, je voudrais signaler quelque chose qui me paraît très important. Ce manuscrit, tel que nous le connaissons, contient des dialectalismes. Dialectalismes qui font la preuve de l'existence d'un dialecte syrien au XIIe siècle. Le problème qui se pose à nous est de savoir si ces dialectalismes font partie du manuscrit original. En principe, quand un scribe a un manuscrit sous la main, il corrige. Il ne devrait pas y avoir de dialectalisme. Et nous avons la preuve qu'un scribe ou certains scribes ont corrigé, mais ils en ont laissé. Et le fait qu'il y ait des dialectalismes dans ce texte, qu'il en soit resté au moins quelques-uns, disons, le fait donc que ces dialectalismes soient présents dans le texte, et en même temps le fait que le texte soit authentifié par le propre petit-fils d'Oussama, nous font conclure, je ne suis pas le seul, le premier à conclure dans ce sens, nous font conclure, sans grand risque d'erreur, qu'Oussama, dans certaines zones de son texte, et notamment dans les dialogues, dans les parties parlées, a fait appel à la langue qui était parlée de son temps. Et non seulement y a fait appel, mais a visiblement tenu à ce que les scribes enregistrent ces dialectalismes. Est-ce qu'on peut penser, par exemple, que l'arabe de Chaïzar, ou celui de Damas, ou celui du Caire, était différent à l'époque? Disons que les dialectalismes, il y a aussi des dialectalismes égyptiens, pour la partie égyptienne de son livre. Mais la plupart sont des dialectalismes du dialecte syrien de son époque, qui sont à peu près les mêmes que ceux que nous pouvons connaître dans le dialecte syrien d'aujourd'hui. Mais c'est là-dessus que je voudrais conclure. Dans l'histoire des lettres arabes, à cette époque, le fait d'avoir laissé des dialectalismes, de n'avoir pas dicté d'un bout à l'autre en classique, est quelque chose de prodigieux et de profondément révolutionnaire et d'unique, et qu'on ne retrouvera pas après Oussama. Étant donné que Oussama a traversé au cours de sa vie un certain nombre de conflits très importants de ce monde du Proche-Orient, est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension de justification? C'est un livre qui laisse peu de place au regret, finalement. On a le sentiment d'une personne qui a toujours été en accord avec elle-même, sûre de sa foi, sûre de ses options, même en Égypte, où Dieu sait que le jeu d'Oussama à la cour des califes fatimides a été plus que controversé, et même avec la distance nous paraît quelquefois assez malsain. Même là, c'est un homme qui nous donne le sentiment d'une très grande paix intérieure. Le regret qu'il a, c'est d'être devenu trop vieux. Des enseignements de la vie d'Oussama sont la chronique d'une époque, sont un livre autobiographique donc sur un personnage, mais au fond, c'est avant tout un livre des individus. Car dans ces récits, Oussama ne nous parle pas des musulmans, ou des francs, comme des entités. Il nous parle d'individus qu'il nous donne à voir et à sentir et à connaître. Il faudrait se demander si ce livre est un livre d'histoire. Or, il n'est pas un livre d'histoire au sens où les écrivains arabes, à cette époque, entendent l'histoire. Ils font de l'histoire, par exemple de l'histoire de l'islam, ou ils font de l'histoire universelle, et chaque fois appuyé sur des garants, ou ils font des histoires plus ponctuelles, des monographies, par exemple des histoires de villes. Il n'y a pas en tout cas de livre aussi fermement, aussi constamment, aussi résolument appuyé sur le témoignage personnel, et comme vous le dites très justement, un témoignage personnel qui passe à travers d'autres témoignages personnels. Autrement dit, moi, Oussama, j'ai vu, dans telle circonstance, un tel. Ça, c'est un effet extrêmement original. Entre Jamal ed-Din Mohammed ibn Taj al-Mulouk, Dieu le prenne en pitié, et le roi des Francs, je faisais de fréquentes visites à ce dernier, qui était l'obligé de mon père, Dieu le prenne en pitié, pour le roi Baudouin, père de la reine, elle-même épouse du roi Foulk, fils de Foulk. Les Francs amenaient devant moi leurs prisonniers. J'étais là pour les racheter, et de fait, je rachetais tous ceux dont le Très-Haut facilita la délivrance. L'un des Francs, un démon nommé Guillaume Giba, et qui se livrait des raids sur un bateau à lui, avait pris un vaisseau où se trouvaient des pèlerins maghrébins, 400 environ, hommes et femmes. J'en vis arriver plusieurs groupes, conduits par leurs propriétaires, et je rachetai ce que je pus. Il y avait parmi eux un homme jeune encore, qui saluait et s'asseyait sans dire un mot. Je voulus savoir qui il était. On me répondit que c'était un ascète et son maître un tanneur. Comme je lui demandais son prix, le tanneur me dit « Par la vérité de ma religion, je ne le vendrai qu'en compagnie de ce vieillard, les deux ensemble comme je les ai achetés moi-même au prix de 43 dinars. » Je rachetai donc, en mon nom personnel, ces deux-là, avec un petit nombre d'autres et pour le compte de Moïn ed-Din, Dieu le prenne en pitié, quelques autres encore pour 120 dinars. Je versai tout ce que j'avais sur moi et offris une garantie pour le reste de la somme. Historien Mohamed Rikaya, Françoise Michaud, quand vous lisez un texte comme l'autobiographie d'Oussama, comment, à votre avis, reflète-t-il par rapport à une réalité historique que l'on peut étudier par ailleurs, ces événements d'affrontement justement au Proche-Orient dans cette période du XIIe siècle, hein? Et que vous apprend-il, hein? La valeur du témoignage d'Oussama est évidemment très grande, ne serait-ce que parce que c'est un des rares auteurs à nous rapporter, disons, des anecdotes qu'il a vécues. Et l'essentiel de nos sources sur l'histoire des croisades, de nos sources, disons, orientales sur l'histoire des croisades, sont des récits de chroniques qui nous apportent donc une image, un petit peu, un éclairage tout à fait autre. Donc l'historien est naturellement intéressé et séduit par tout ce que nous rapporte Oussama. Mais l'effort de l'historien est de bien resituer ces anecdotes dans le contexte précis dans lequel elles s'insèrent. C'est donc cette période qui se situe entre la première et la seconde croisade, qui est une période, disons, de relative coexistence, d'insertion des croisés dans l'échiquier politique syrien, alors que la prédication du djihad et le redressement politique avec Zengi et surtout Nour ad-Din a à peine commencé. Mohamed Rikaya. La valeur du témoignage d'Oussama, qui est un témoignage personnel, intervient dans la période, justement, où les exploits personnels peuvent trouver leur place, c'est-à-dire avant la chute des Dès et avant la grande mobilisation. Et dans la deuxième moitié du XIIe siècle, c'est la mobilisation, commencée par Zenki, continuée par Nouredin et ensuite par Saladin, qui a limé ces différentes autonomies et même l'indépendance des grandes cités comme Damas, ce qui fait que c'est intéressant de souligner qu'il y a une convergence entre l'effacement du rôle d'Oussama dans la deuxième moitié du XIIe siècle, qui est contemporain de la montée de Noureddin et ensuite de Saladin. Ceci est la première chose. Autrement dit, Oussama retrace assez bien l'ambiance de la première moitié du XIIe siècle, de guerre, de grignotage fait par les croisés pour agrandir leur position, assurer leur défense, établir certains rapports avec les populations autochtones, conclure des alliances conjoncturelles contre tel ou tel ennemi commun. Par conséquent, je crois que là, il rend assez bien. D'autre part, il est bien clair que dans la vie d'Oussama, les rapports entre les Francs et les musulmans sont, disons, occasionnels et ne représentent que quelques épisodes de sa vie qu'il rapporte au milieu de beaucoup d'autres. On avait amené à la maison de mon père, Dieu le prenne en pitié, plusieurs jeunes femmes que l'on venait de capturer. Les Francs, Dieu les maudisse, sont une race damnée où l'on ne s'allie pas avec qui est d'une autre origine. Mon père aperçut parmi les prisonniers une jolie fille et dit à la gouvernante de sa maison « Emmène-la au bain, remets ses vêtements en état et prépare-la pour le voyage. » Quand ce fut fait, il confia la jeune fille à l'un de ses serviteurs pour qu'il la conduisît à son ami l'émir Shihabeddin Malik ibn Salim ibn Malik, maître de Qal'at Jabar, à qui il fit tenir ce message « Nous avons fait du butin sur les Francs et je t'en envoie une part. » La jeune fille plut à l'émir et le charma. Il se la réserva et elle lui donna un fils qu'il appela Badran et constitua son héritier présomptif. L'enfant grandit et, quand son père mourut, il reçut le gouvernement de son pays et de ses sujets, sa mère gardant le pouvoir de commander et de défendre. Celle-ci s'entendit avec certaines gens, se fit descendre avec une corde de la citadelle et emmenée par eux jusqu'à Sarouj, qui appartenait alors aux Francs. Elle épousa l'un des leurs, un cordonnier, elle, dont le fils était maître de Qal'at Jabar. Un certain nombre d'anecdotes rapportées par Oussama et qui témoignaient de relations amicales entre ce gentilhomme syrien et les barons francs ont été très souvent citées par les historiens et citées pour montrer quel bon rapport pouvait exister entre les diverses communautés et notamment quel bon rapport les francs avaient réussi à instituer dans les États latins. Encore qu'il y ait une évolution d'ailleurs dans le manuscrit d'Oussama sur ses rapports avec les francs. Bien sûr, mais je voulais dire que ce texte, le témoignage d'Oussama, joint à un autre témoignage, comme celui de Fouché de Chartres, ont été très souvent cités, et je dirais un peu rapidement peut-être, par des historiens qui voulaient montrer qu'on pouvait être de bons colonisateurs. C'est-à-dire que l'on pouvait arriver dans un pays étranger, dans un pays lointain, arabo-musulman de surcroît, et y apporter non seulement la prospérité et la paix, mais aussi un esprit de tolérance, voire même être capable de susciter une certaine interpénétration entre les peuples. Celui, en tout cas, qui voudrait lire Oussama pour avoir une vue générale des croisades, de l'idéologie qui les sous-tend, serait déçu. En fait, la qualité du livre, c'est d'être inscrit profondément dans une vie que je dirais au jour le jour, une vie essentiellement de conflits et de batailles, et qui a été vécue indépendamment d'une grande vision historique. Oussama n'est pas un grand historien, et c'est ce qui fait son charme et son mérite. C'est un homme de la vie, c'est un homme de terrain. Ça n'est pas un écrivain de l'histoire. C'est quelqu'un qui raconte l'histoire, telle qu'il l'a vue jour après jour. Est-ce qu'il y a une façon très différente pour le musulman de voir le croisé, de voir le franc, par rapport à l'image qui est donnée dans les récits des croisés du musulman ? L'admiration pour l'adversaire est hors de doute. Lorsque l'adversaire est un guerrier vaillant et loyal, il n'y a pas de doute que là que le code est le même. Mais il faudrait d'abord revenir à l'histoire et savoir qu'il n'existe pas dans le Proche-Orient de cette époque quelque chose qui correspond à notre féodalité. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de chevalerie en tant qu'institution. Il y a un esprit chevaleresque. Et Oussama en parle lorsque il dit quelque part que tel chevalier de Jérusalem lui a dit « Tu pourrais être un chevalier parmi nous et tu pourrais envoyer ton fils chez nous pour parfaire sa formation de chevalier. » Mais tout cela, encore une fois, ressorti à un esprit, pas une institution. Mais pourtant, sur le plan social, est-ce qu'il n'y a pas une organisation tout à fait comparable ? Est-ce que ces princes et ces seigneurs musulmans des principautés arabes du Proche-Orient ne sont pas tout à fait comparables à ces chevaliers et à ces princes des royaumes francs ? Oui et non. Oui, par toute une série d'éducations qui fait qu'en effet, ils représentent un type d'honnête homme, bon, suffisamment cultivé, naturellement rompu aux arts de la guerre, avec un certain nombre de règles de la guerre, qui peuvent être celles de toutes les chevaleries du monde. Mais il n'existe pas, par exemple, de fief au sens où nous l'entendons. Là, le fief est donné à titre éminemment révocable. Le pouvoir suprême peut le reprendre chaque fois qu'il en a envie. Ce qui fait que vous n'avez pas cette inscription dans le sol, cette stabilité que vous avez de l'autre côté dans la féodalité d'Occident. Donc déjà, le contexte historique est différent. Alors, si le contexte historique et économique presque est différent, il n'est pas étonnant que les mentalités le soient un peu. Alors, différence des mentalités, il n'y a pas un même code de chevalerie chez les francs et chez les musulmans. Disons que tout cela est beaucoup moins formalisé du côté musulman que du côté franc. Reste que, d'adversaire à adversaire, il y a des traces de comportement chevaleresque. Ce qu'on peut dire aussi du rôle du seigneur de Chaïzar en l'occurrence, des relations entre le seigneur et ses serviteurs, tout cela est à peu près la même chose. Le seigneur doit protéger de sa vie les serviteurs et les serviteurs doivent service, y compris celui de la vie, au seigneur. Les choses sont à la fois terriblement proches les unes des autres, et aussi par certains registres compliqués. Si nous prenons le domaine religieux, ce sont des croisés de part et d'autre. Les croisés se battent pour leur foi. Ils ne se battent pas pour avoir des terres. Du moins, ça n'est pas pour ça qu'ils sont venus au Proche-Orient. Ils sont venus dans un but qui est défini comme un but religieux. Et de l'autre côté, les gens qui se battent contre eux sont des gens qui sont motivés par la religion. Mais est-ce que justement cet élément religieux, la foi, est un élément qui les unit ? J'ai le sentiment contraire, le sentiment vraiment d'une très très grande différence. Oussama peut très bien aller loin, très loin même, avec les Templiers, mais lorsque les Templiers lui montrent l'enfant Jésus dans les bras de Marie, là vraiment, ça n'est pas possible. Je dirais que c'est presque cette image qui fait basculer dans l'impiété. Tant qu'Oussama ne voit pas Jésus dans les bras de Marie, on peut rester membre des religions abrahamiques, disons. Mais là, véritablement, une rupture se fait. On entre vraiment dans la matérialisation d'un Dieu prétendument fait homme, et ça, pour un musulman, vraiment, ça n'est pas tolérable. Enfin, viscéralement, c'est impossible. Michael, à travers la lecture de l'autobiographie d'Oussama, quelle est l'image qu'il donne du franc ? Et est-ce qu'il y a une évolution dans ce récit ? Alors oui, il y a une évolution très nette entre la première partie de sa vie et la dernière. La première partie de sa vie, c'est pour schématiser les rencontres avec les Templiers à Jérusalem. Et là, quelquefois, le courant passe. Il y a même une très très jolie histoire, assez brève, je la raconte, si vous me permettez. Il est au bain un jour et il voit deux silhouettes qui se préparent à entrer au bain. Et il est intrigué par l'une de ces silhouettes. Il demande à son serviteur d'aller voir si c'est un homme ou une femme. Le serviteur s'en va, soulève la robe et revient en disant « c'est une femme ». Oussama le sermonne en disant « on n'a pas idée de se comporter de façon pareille ». Bien. Et puis les deux personnages entrent au bain. Et Oussama aussi. Et à la sortie, il aborde le personnage dont il sait que ce n'est pas une femme et il lui demande qu'est-ce qui se passe, enfin. A-t-on idée d'amener une femme au bain avec les hommes ? Et l'autre, le franc en face, lui explique « c'est ma fille, je l'ai amenée avec moi, sa mère est morte il y a quelques jours et elle n'a personne pour lui laver les cheveux. » Et Oussama dit « et je lui répondis, tu as bien fait. » Alors là, c'est vraiment... C'est l'extrême limite. Là, quelque chose passe. Il n'y a pas de doute, il y a un courant très, très profond, très humain. Mais quelque chose passe et en même temps, il est souvent choqué par le comportement des francs avec les femmes. Les francs n'ont pas la moindre bribe d'honneur ni de jalousie. Chez eux, un homme se promène avec sa femme. S'il en rencontre un autre, celui-ci la prend à l'écart et s'entretient avec elle, tandis que le mari reste planté à côté, attendant qu'elle ait fini de causer. S'il trouve que l'entretien se prolonge, il la laisse parler avec l'autre et va son chemin. Même à cette époque bénie des relations entre Oussama et les Francs, même à cette époque, il y a des choses qui sont absolument incompréhensibles pour des musulmans. Il y a la situation de la femme Et il y a aussi un certain mépris pour l'intelligence des Francs. Oussama ne les considère pas comme des gens profondément intelligents. Et c'est dans cette catégorie que je rangerai tout ce qu'il dit sur la médecine des Francs, qui tantôt est très bonne, mais parfois épouvantable. Et ce qu'il dit aussi de la religion, de nouveau cette histoire de l'enfant Jésus et de Marie. Les deux grandes critiques, c'est ce sens-là. Par contre, ce qu'il leur reconnaît, c'est le courage au combat. Le courage. Le courage, mais ce sont des bêtes au combat, dit-il. Ils ont la vertu des bêtes brutes. Mais là encore, la critique est latente. Le véritable guerrier pour Oussama, c'est celui qui conserve toujours la tête froide dans le combat. Et il y a ce très beau passage où il dit « Lorsqu'on va au combat, on a peur. Lorsqu'on est un homme, en vrai, on a peur. Et une fois engagé dans le combat, on sait alors que l'honneur vous commande de ne plus avoir peur. » Et c'est cela, le triomphe du guerrier. Du vrai guerrier pour Oussama, c'est le triomphe de l'intelligence ou de l'honneur sur la peur. Tandis que du côté des Francs, les Francs s'engagent dans le combat comme cela, comme si c'était des bêtes. À la limite, ils n'ont pas de mérite à être courageux parce qu'ils ne le savent pas. En effet, de la compassion de Salah ed-Din que de venir me chercher ainsi, dans des pays confinés, au-delà de terres rudes et de plaines, en un coin perdu du monde où j'étais sans ressources ni famille. Sa bienveillance m'a sauvé des crocs de l'infortune. Sa bienfaisance, débordant trésor, m'a transporté jusqu'à sa glorieuse porte. Il a réparé ce que le temps avait cassé en moi. Sa générosité lui a fait remettre en honneur ce dont personne à part lui ne voulait plus sous le prétexte du grand âge. Il m'a couvert de dons magnifiques, tels qu'on ose à peine en rêver, et sa bonté m'a fait les meilleurs des cadeaux. Il m'a même payé dans le flux libéral de sa générosité de tout ce que j'avais versé par avance au service des autres. Il a pris tout cela en compte. Et ses dons frappaient à ma porte pendant mon sommeil, venaient à moi qui attendais, réduit à l'inaction, de comparaître devant Dieu. André Michel, quels ont été les liens personnels d'Oussama avec Saladin ? Ils ont été réels, ils sont intervenus, il faut le dire d'abord, à l'extrême fin de la vie d'Oussama, lorsque Oussama, après avoir fait un séjour dans une principauté de Haute-Mésopotamie, revient à Damas pratiquement pour y mourir. Et incontestablement, il fonde de très grands espoirs sur Saladin. Non seulement pour l'avenir de la communauté musulmane au Proche-Orient, ce que prouve le poème qu'il a adressé à Saladin après la prise de Jérusalem, mais il fonde aussi de très grands espoirs sur Saladin en ce qui le concerne, lui, Oussama. Et c'est, je trouve, quelque chose d'assez bouleversant que de voir ce très vieil homme, qui a 90 ans, continuer à espérer jouer un rôle politique, en l'occurrence. Et là, il sera véritablement déçu. Visiblement, Saladin n'est pas tellement porté d'une sympathie modérée pour un vieil homme, mais je crois que Saladin doit connaître Oussama, il doit savoir que c'est un personnage à histoire, à intrigue. Et c'est certainement pour cela que, tout en lui prodiguant des marques d'honneur sensibles, il l'a tenu éloigné de la réalité du pouvoir, ce qui accroît l'amertume d'Oussama à l'extrême fin de son existence. Il n'est plus bon à rien, il le dit lui-même. Il y a un intermédiaire peut-être entre eux, c'est le fils d'Oussama, Mouraf, qui va servir directement Saladin et aide l'un de ses proches. C'est cela. Alors le fils d'Oussama, Mouraf, lui certainement a joué un très grand rôle auprès de Saladin, encore que son père n'en parle pas. Mais à certains indices et aussi à d'autres renseignements qui nous sont fournis par d'autres historiens, nous savons en effet que le fils d'Oussama a été un conseiller très écouté de Saladin. André Miquel, il y a un événement évidemment capital dans l'histoire des rapports entre l'islam et les francs, les croisés, les chrétiens. Ça va être la reprise de Jérusalem par Saladin en octobre 1187, quelques temps après la mort de celui qui a probablement le mieux défendu les francs de Jérusalem, c'est-à-dire Baudouin IV. Ce n'est pas exactement encore la fin du royaume franc de Jérusalem, mais dès lors, les francs vont être réduits à l'occupation de la côte, et en tout cas, ils ne vont plus disposer des lieux saints. Quelle résonance a pu avoir dans l'islam de cette époque cette reprise de Jérusalem par Saladin? Je crois que réellement, à ce moment-là, la politique de Saladin, c'est-à-dire unification du monde musulman du Proche-Orient contre l'ennemi franc, a eu certainement un très grand impact dans les consciences. Et c'est pourquoi le ton ou du poème ou des panégyriques, celui d'Oussama et les autres, celui de Imad ad-Din al-Isfahani, le biographe de Saladin, tous ces textes ne sont pas uniquement des textes de circonstances tels que la littérature arabe et tant d'autres littératures nous en offrent. Ce ne sont pas seulement des textes adressés à un souverain dont on vante les mérites. Ce sont aussi, je crois, en l'occurrence, des textes où passe réellement le sentiment que, enfin, quelqu'un vient de se lever qui va réunifier l'islam et lui rendre sa grandeur passée. Son temps à des discours frivoles relève des plus grandes calamités qui puissent nous arriver. Je demande, moi, pardon au Très-Haut de dépenser le peu qui me reste de vie à d'autres choses qu'à faire sa volonté, qu'à conquérir rétribution et récompense. Mais lui, qu'il soit béni et exalté, pardonne la faute. Et prodigue les dons de sa miséricorde. Il est le généreux qui ne déçoit jamais quand on espère en lui. Qui ne repousse jamais quand on l'implore. Le livre s'achève ici. Gloire à Dieu, Maître des mondes. Qu'il répande ses bénédictions sur notre Seigneur Mohammed, son prophète, et sur sa famille, cette assemblée de purs, qu'il leur donne la paix parfaite. Pour nous, Dieu nous suffit. Qui pourrait mieux que lui veiller sur nous? Les inconnus de l'histoire enquêtent sur un écrivain syrien du XIIe siècle Ousama Ibn Munkith par Jean-Montal Betti, médiateur André Miquel, professeur au Collège de France, consultant Mohamed Rekaya, maître assistant à Paris 3, Françoise Michaud, maître assistant à Paris 1. Les textes extraits de l'autobiographie d'Ousama, intitulée « Des enseignements de la vie », traduite et publiée par André Miquel, ont été dits par Guy Jacquet avec la voix de François Darbon. Prise de son, Éric Damaggio, mixage Agnès Boissonnade, réalisation Christine Bernard-Sugy. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 6 janvier 1984. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.